messager, rasoul. Un messager, rasoul, pluriel, rasoul, est tout homme qu'Allah le Très-Haut a choisi pour transmettre son message et à qui il a révélé une nouvelle loi qui lui a ordonné de transmettre aux gens. Allah, qu'il soit glorifié, a envoyé ses messagers avec des signes évidents et les a soutenus par des miracles, comme le bâton de Moïse, sur lui la paix, qui se transformait en serpent, ou la capacité à soigner l'aveuglement, le lépreux et à ressusciter les morts par sa volonté, comme dans le cas de Jésus sur lui la paix. Mais le plus grand des miracles est le Coran qu'Allah, qu'il soit glorifié, a révélé à Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Allah a envoyé des messagers à leur peuple avec le même message. Allah le Très-Haut dit « وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Certes, nous avons envoyé à chaque peuple un messager qui leur ordonnait « Adorez Allah et écartez-vous du tarot ». Sourate les Abeilles, verset 36. Le terme « tarot » désigne tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Croire en tous les messagers qu'Allah a envoyés est l'un des 6 articles de la foi, et quiconque en renie un seul est un mécréant.